Le comité préparatoire péruvien pour les célébrations du 75e anniversaire du général Kim Jong-il est constitué à Lima, tandis que les comités préparatoires pour célébrer le 75e anniversaire du général Kim Jong-il en Biélorussie et à Copenhague, Danemark. Ils envisagent d'organiser des activités politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits impérissables de Kim Jong-il à l'occasion de la journée de la brillante étoile. Le comité préparatoire roumain pour la commémoration du 75e anniversaire du général Kim Jong-il a vu le jour aussi.